Villiers de l'Île Adam par Hugues Leroux. Chapitre 1er. C'était au mois de juillet 1888. Assis à la terrasse d'un café du boulevard, nous regardions passer la rue en aspirant, avec des pailles, des boissons fraîches. Un homme s'approcha de nous, large d'encolure, ses cheveux au vent, des mouches et une barbiche à la Richelieu, tirant en pointe par le bas, la figure fine, inoubliable, roulait des yeux bleus, hallucinés, comme on en voit au portrait de cire, et qui devenait effrayant par l'entière découverte des paupières, l'éclat circulaire du blanc autour des prunelles. « Tiens, Villiers de l'Isle-Adam !» s'écrièrent plusieurs voix, et une toute seule continua. « Comment ? Vous n'êtes donc pas à Rome à faire valoir près de Louis XIII vos droits à la grande maîtrise de Malte ? Vous ne savez pas que l'ordre des chevaliers renaît de ses cendres ? Qu'il s'agit de se croiser, encore une fois, pour arracher l'Afrique à l'esclavage ? Vous êtes là, tranquillement, à boire votre absinthe, quand toute la noblesse intrigue pour être rétablie dans ses anciens privilèges ? Ne l'auriez-vous baillé belle, cher confrère ? Auriez-vous oublié la cassette où dorment vos parchemins, au fond de ce manoir breton de Kerourou ? D'où vous nous êtes arrivé au temps de votre jeunesse, votre poème d'Hermosa sous le bras ? Le comte Villiers de l'Isle-Adam passa la main sur le panache de ses cheveux, sur sa moustache historique, et il répondit de cette voix solennelle, basse, qui donnait à ses phrases une couleur de prophétie. « Pourquoi me parlez-vous de ce dont moi je ne vous parle jamais ? » En 1820, le généalogiste Saint-Allais a déclaré, d'après un nez variétour émané de l'ordre même, que la famille Villiers de l'Isle-Adam était éteinte depuis plusieurs années. C'était là une erreur dont la fausseté a été établie. L'unique héritier de l'illustre maison du grand maître, fondateur de l'ordre de Malte, le descendant en ligne directe, non interrompue, du maréchal Jean de l'Isle-Adam, dont les droits ont été reconnus après 3 ans d'enquête irréfragable en un bref spécial du 14 août 1840, au jugement du Haut Conseil de l'ordre assemblé à ce sujet et sanctionné par le grand maître actuel, est vivant. C'est bien moi, Auguste Villiers de l'Isle-Adam, le penseur qui dissimule sous le voile de la littérature des accents qui semblent venus d'un autre monde et qui obligent les plus sceptiques à tressaillir et à songer. Parmi ceux de mes papiers de famille que je publierai un de ces jours, dans une histoire qui touche à son terme, vous verrez un reçu, délivré en 1418 à mon aïeul Jean de Villiers de l'Isle-Adam par les bourgeois de Paris lorsqu'il se présenta à la porte de Bussy pour chasser les armagnacs de la ville. Cette pièce unique sera publiée avec les souillures de marc de café qu'un de mes nombreux déménagements lui a fait souffrir. Et je n'aurai point des documents moins extraordinaires à publier sur mon autre ancêtre, Philippe-Auguste de Villiers de l'Isle-Adam, grand prieur de France, 24e grand maître des chevaliers de Saint-Jean de Jérusalem, qui, avec 1500 chevaliers et une population d'à peine 4000 habitants, défendit pendant plus d'un an une île de 17 lieues de tout haut, alors la porte de l'Europe, contre toute l'armée et les flottes de l'immense invasion musulmane, forte de 400 000 hommes, et commandée par l'empereur Soliman II, le magnanime. C'est à l'héroïsme de ce grand maître et de ses chevaliers que l'on doit l'arrêt brusque de l'invasion. Aussi, après ce siège, l'Isle-Adam reçut-il du souverain pontife le titre de boulevard de la chrétienté. Charles Quint lui donna en toute souveraineté les îles de Malte, de Chypre et de Gozo, pour les habiter, lui et son ordre. Dans une cérémonie à Rome, l'Isle-Adam fut placé à la droite du pape et Charles Quint à la gauche, parce que le chevalier moine avait répondu à Soliman qui lui proposait la vice-royauté « Je serais indigne de cet honneur si je l'acceptais ». C'est à dater du règne de ce prince, mon parent, à Malte, que les chevaliers de Rhodes ont pris le nom de chevalier de Malte. En ce sens, Philippe-Auguste a été le fondateur de l'ordre de Malte. Sur son tombeau que vous pourriez voir, encore aujourd'hui, dans l'île, on a écrit « Sigi la vertu victorieuse de la fortune ». Cet adage rayonne sous notre écusson qui porte un signe unique dans les armoiries de la noblesse européenne, savoir d'or au chef d'azur, chargé du dextre cher d'hermine, se mouvant de senestre et revêtu d'un fanon du même, brochant sur le tout qui est de Villiers de l'Isle-Adam avec la devise « Va outre ». Or, regardez-moi bien. Moi, Auguste Villiers de l'Isle-Adam, héritier de tous ses titres et de toutes ses gloires, moi, qui fais peur au roi, Moi, qui eus le pas chez le pape, sur l'empereur, je ne possède plus, à l'heure qu'il est, les 5 000 francs nécessaires pour faire viser mes titres dans les chancelleries européennes. Je ne suivrai donc ni sa sainteté Léon XIII, ni monseigneur le cardinal Lavigerie dans leur projet de restauration. Une partie de ma vie, j'étais importuné par les agences matrimoniales. Elles m'offraient de mon nom le poids d'or que j'aurais voulu. Je leur ai toujours répondu dans les mêmes termes « Je ne saurais vendre ce qui n'est point à moi ». Et je leur ai cité cette parole du psalmiste « Dieu fait assez connaître le peu de cas où il tient les richesses de ce monde par le mérite de ceux auxquels il les a données. Je suis trop pauvre pour revendiquer mes droits. Ce n'est pas une raison pour abandonner mes devoirs. Toute ma vie, en bon chevalier de Malte, j'ai été croisé. J'ai combattu le musulman la plume à la main, cuirassé d'ironie. Cette armure est lourde aux épaules. Elle vous fait plus effrayant à voir que celle des moines chevaliers. » Nous écoutions, émerveillés, crépiter ces fusées romantiques, et le comte de l'Isle-Adam allait reprendre son plaidoyer quand cette question l'arrêta. « Quel musulman avez-vous donc combattu, mon cher confrère ?» Le grand croix de Malte roula terriblement ses prunelles de lapis et répondit « Tribula bonhomme. » Il est de toute nécessité d'ouvrir ici une parenthèse et de rappeler au lecteur des contes cruels, de l'amour suprême, de l'Ève future, qu'à côté des livres qu'il a écrits, Villiers de l'Isle-Adam a créé un type légendaire qui vivra dans la mémoire des hommes, parce qu'il continue en les complétant l'homme de Gustave Flaubert et le Joseph Prudhomme de Monnier. Ce personnage épique, c'est précisément Tribula Bonhomme. Un jour, dans le tête-à-tête d'une causerie, Villiers de l'Isle-Adam m'a défini lui-même ce personnage multiforme et satanique. « Bonhomme, me disait-il, c'est l'ennemi personnel de Dieu, le Tartuffe de l'enfer, la haine contre tout ce qui est idée, pureté, beauté, rêve, chimère, contre tout ce qui ne se pèse point, ne se mesure point, contre ce qui n'a ni forme ni figure. Bonhomme, c'est l'ennemi de l'art et de l'âme. » On voit de suite que ce musulman est de cette famille d'esprit que les romantiques ont pris pour tête de turc. La caractéristique du fantoche de Villiers, c'est qu'il incarne cet esprit de négation basse, brutale, qu'engendre dans les cerveaux médiocres une instruction incomplète et uniquement positive. Bonhomme est de tous les temps, mais il est surtout le citoyen de ce 19e siècle finissant, le détestable enivré de découvertes scientifiques dont il ne comprend que les applications pratiques et dont l'esprit supérieur lui échappe. Bonhomme, c'est le fanatique de rien, celui dont la négation ne tolère pas le doute. Voilà l'homme contre qui s'est croisé le bon chevalier de Malte, et il avait raison de dire que ses bras ne se sont point lassés de frapper sur le crâne en pointe du mécréant. « C'est toujours l'infidèle que je combats, » disait Villiers avec un éclair de fierté sur le front. Il fait meute contre moi sans m'effrayer. Les règles de l'ordre de Saint-Jean défendaient aux chevaliers de batailler contre plus de 16 ennemis, dans la crainte que le sentiment de leur valeur ne les induisît en orgueil. Moi, je lutte contre le diable Légion, et je ne suis à bout pour le faire souffrir ni d'invention ni de machine. Jugez-en, vous autres, qui, avec moins d'exaltation, mais tout autant de tristesse que fit ce romantique, luttez encore pour défendre contre les assauts de l'esprit positif le tabernacle de l'idéal. Et dites si l'ironie de ce maître railleur était de la poudre mouillée qui ratait à la mine. Je choisis au hasard, dans la série des aventures de Bonhomme, qu'on se comptait à dîner, entre bons compagnons, quelques-unes des belles inventions du chevalier de Malte. Donc, Bonhomme, je l'ai déjà dit, ne peut supporter l'âme. C'est pour lui de quoi rendre son déjeuner. Malheureusement, il a épousé une femme qui ne jouit pas de la même bonne santé intellectuelle et qui, elle, est tout justement atteinte d'âme. Bonhomme ne se préoccupe pas autrement de cette maladie qui empoisonne également l'existence d'un de ses jeunes cousins. Ce cousin et Madame Bonhomme passent leur temps à s'entretenir de leur affection identique. Ils analysent, les yeux pleins de larmes, les symptômes de leur mal. Bonhomme ne s'en trouble point. Ne tient-il pas, lui, le positif, la maison, la table, le lit commun avec sa compagne? Cependant, avec les jours, il s'aperçoit qu'il est devenu comme un étranger dans sa propre maison, et il s'effraie. « Parbleu, se dit-il, j'aurais dû deviner la conclusion pratique de cette aventure. » Et il va chercher le commissaire de police pour surprendre les amoureux. On pousse la porte, on les trouve dans la chambre, chacun a une fenêtre. ils font leur prière en commun, en face de la nuit douce. À ce spectacle insoutenable, Bonhomé tombe frappé d'apoplexie. Rassurez-vous, il ne mourra point. Le voici présentement coiffé d'un bonnet à poils, embusqué dans un buisson. Il chasse à l'affût. N'a-t-il point entendu dire qu'il y avait des bêtes, les hermines, qui meurent d'une souillure? Il ne peut supporter l'idée, lui, Bonhomé, l'homme pratique, qu'il existe encore, en plein XIXe siècle, des animaux si arriérés. Aussi il s'embusque avec une seringue chargée d'encre pour souiller quelque hermine au passage. Ah ah, la bonne plaisanterie! Vive le maculateur d'hermine! Et trancleur de signes harmonieux. On affirme que ces beaux oiseaux chantent divinement avant de mourir. Bonhomé veut les entendre. Il se boucle dans un scaphandre, il se promène au fond des lacs. Il saisit par les pattes les beaux cygnes nageurs et les étrangle, lentement, pour les entendre chanter. Que pensez-vous de ce symbole? Et croyez-vous que le comte Villiers de l'Isle-Adam a dû éprouver quelque joie quand il a conté cette histoire à son éditeur ordinaire et qu'il lui a demandé avec son sourire ironique « Et celle-là, comment la trouvez-vous » N'allez point croire ailleurs que Bonhomé soit un garçon dépourvu de pitié. Il ne serait donc pas ce qu'il prétend être sur toute chose, un homme moderne, moderne de la dernière heure. Il s'est fait médecin pour soulager la souffrance des hommes. Et voici qu'on lui amène un ouvrier qui a eu la jambe écrasée. « Je vais la lui couper, » dit-il à la femme du blessé. « Cela ne servira à rien, cela ne l'empêchera pas de mourir. »« Alors à quoi bon le martyriser ?» répond la pauvre femme, tout en larmes. « Il faut bien amuser le malade, » répond Bonhomé. Il est l'homme de ses mots heureux, de ses improvisations hardies. Le voici maintenant général d'armée. La bataille est toute prochaine. Il se tourne vers ses soldats et les harangue. « Mes amis, je ne vous répéterai pas les vieilles balançoires dont tous mes prédécesseurs vous ont rebattu les oreilles. Elles ont eu du bon, je ne le conteste pas. Mais elles répugnent à des hommes comme vous, qui avez reçu de l'instruction. Je ne vous dirai donc pas que vous combattez pour les foyers et pour les hôtels, non. Notre industrie est dans le marasme, nos manufactures chôment, nos commerçants réclament de nouveaux débouchés, il faut leur en ouvrir. Allez donc vous faire casser la figure. » La haine de Villiers de l'Isle-Adam ne lâche même point Bonhomé au seuil de l'éternité. Il nous le montre en entrant au paradis pour être jugé, arrogant, le chapeau sur la tête. « On fume ici ? » demande-t-il à Saint-Pierre. Le vénérable portier cherche à rappeler ce mécréant à de meilleurs sentiments. « Voyons, Bonhomé, dit-il, recueillez-vous, vous allez paraître devant le trône de Dieu. »« Qui ça, Dieu ? » demande l'athée. « Comment ? Vous n'avez jamais entendu parler de lui ? Peut-être bien, répond Bonhomé avec insouciance. Je n'ai pas la mémoire des noms. Puis, se ravisant, j'ai connu à Rouen une famille Boieldieu. Est-ce que la personne dont vous me parlez serait de ses parents ? Le dernier acte de ce drame, c'est la confrontation de l'athée et de son créateur. Vous avez eu une vie pleine de lâcheté, de déshonneur, dit à Bonhomé celui qui voit tout. « Chut !» répond l'autre d'un air entendu. Il s'efforce de glisser un rouleau de louis dans la main de son juge. Mais, pour la première fois, Dieu ne comprend pas, concluait Villiers de l'Isle-Adam quand il racontait cette histoire, et il ajoutait avec colère. « Croyez-vous qu'un bon chevalier de Malte ait besoin de passer la mer et d'aller conquérir en Afrique des âmes de nègres abyssiniens, quand il rencontre à Paris sur le boulevard de Paris ennemis de Dieu et de l'idée ?» Et comme nous ne répondions pas, persuadé que les lettres auraient fait une perte irréparable si Villiers de l'Isle-Adam avait renoncé à combattre les faux musulmans pour aller évangéliser les vrais en pays marocain, le grand croix de Malte nous considéra un instant de son regard ironique, puis, après avoir savamment mouillé son absinthe, il prononça en guise de péroraison « Je répondrai pourtant à la bulle papale par un manifeste nécessaire. Ce sera la publication toute prochaine d'Axel. Drame en cinq mondes, religieux, tragique, occulte, passionnel, astral, auquel je travaille depuis 10 années. Vous y verrez la promenade à travers toute existence, toute apparence, toute pensée, du héros accompli de corps et d'âme en qui j'ai mis toutes mes complaisances. Et je veux que telle soit la conclusion qui s'impose à ceux qui sortiront de cette lecture. Illusion pour illusion, nous gardons celle de Dieu, qui seul donne à ses éternels éblouis la lumière et la paix. »